الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. Dans le monde, j'étais Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Nous avons vu que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que le jour du jugement est imminent. Le jour du jugement est imminent, mais Allah ta'ala n'a pas donné à connaître aux créatures quelle est la date exacte où ce monde va prendre fin. Il a cependant indiqué des signes. Donc il nous a fait savoir par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des signes annonciateurs. Ceci, nous l'avons su du hadith, du fameux hadith de Jibril. Lorsque Jibril, alayhi salam, était venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était habillé tout de blanc, avec des cheveux très très noirs, et celui qui rapportait le hadith, c'était notre maître Omar ibn Khattab, que Allah l'agré. Il disait que c'est quelqu'un que personne d'entre nous ne connaissait, mais il n'avait pas l'aspect de quelqu'un qui venait d'accomplir un voyage. Généralement, quand on est dans une ville, qu'on voit quelqu'un d'étranger, on soupçonne que c'est quelqu'un qui vient d'accomplir un voyage. Mais à ce moment-là, notre maître Omar qui rapportait le hadith n'avait pas reconnu que c'était Jibril. Donc il disait que c'était un homme habillé tout de blanc, avec des cheveux très très noirs. Il s'est assis en face du prophète, il a collé ses genoux aux genoux du prophète, il a posé ses mains sur les cuisses du prophète et il s'est mis à interroger le prophète. Il lui a dit, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan? Il lui a dit, entre autres, quand est-ce qu'aura lieu le jour du jugement? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, celui qui pose la question n'a pas plus d'informations à ce sujet que celui à qui la question a été posée. C'est-à-dire que ni toi ni moi ne savons quand exactement va avoir lieu le jour du jugement. C'est alors que Jibril lui a posé la question, quels sont donc les signes annonciateurs? Donc il lui a indiqué quelques signes annonciateurs du jour du jugement, c'est-à-dire des signes qui, lorsqu'ils se produisent, indique que le jour du jugement est imminent. Et donc, dans ce hadith, le prophète a indiqué certains signes, et dans d'autres hadiths, il a indiqué d'autres signes. Toujours est-il que les savants ont classé ces signes en petits et grands signes. Il y a des petits signes annonciateurs et des grands signes annonciateurs. Donc les grands signes, donc nous avons vu les fois passées quelques-uns des petits signes, nous n'allons pas les rappeler aujourd'hui, mais nous allons parler aujourd'hui de certains grands signes. Donc nous avons vu que les grands signes annonciateurs du jour du jugement sont au nombre de 10. Donc la plupart des petits signes sont déjà apparus, la plupart. Mais il en reste certains, certains ne sont pas encore apparus, c'est-à-dire à date aujourd'hui. La plupart des petits signes sont déjà apparus, mais il n'en reste que quelques-uns. Les grands signes, bien sûr, ne sont pas encore apparus. Donc les grands signes sont le nombre de 10. On a vu que c'est la sortie de Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, c'est un homme qui prétend être Dieu et qui va avoir des choses qui sont extraordinaires et beaucoup de gens vont le suivre. Il y a la descente de Isa, Al-Masih, notre maître Isa, Jésus, qui a été élevé au ciel et qui n'est donc pas mort, mais qui vit actuellement dans le deuxième ciel. Ça, c'est le deuxième signe. Il y a la sortie de deux tribus d'humains qu'on appelle Ya'juj et Ma'juj. Donc ils sont actuellement emprisonnés dans une extrémité de la terre. Et un des grands signes, c'est qu'ils vont sortir. Après cela, va mourir notre maître Isa, alayhi salam. Après la sortie de Ya'juj et Ma'juj, c'est grâce justement à notre maître Isa que les humains seront débarrassés de ces deux tribus. Puis notre maître Isa va mourir. Ensuite, le quatrième grand signe, c'est le lever du soleil à partir de son couchant. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, le quatrième grand signe, c'est que le soleil va se lever de l'ouest. Il y aura un animal qui va sortir de sous terre et qui va parler aux gens, qui va reconnaître qui est croyant, qui est mécréant. Donc, après cela, le repentir ne sera plus accepté. Après, c'est ce quatrième signe de, entre le lever du soleil de son couchant et la sortie de l'animal de terre, le repentir ne sera plus accepté. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un avait commis les grands péchés, il est musulman, son repentir ne sera plus accepté. Si quelqu'un était mécréant, son islam ne sera plus accepté. Donc ces deux signes-là, donc la sortie de l'animal de sous terre et le lever du soleil de son couchant, vont se produire en un même jour, entre l'aube et Abduha. Abduha, c'est environ une vingtaine de minutes après le lever du soleil. Ensuite, il y aura une fumée qui va se propager sur terre, une fumée qui va diffuser partout. Les mécréants vont suffoquer, vont presque mourir de suffocation de cette fumée. Quant au musulman, pour lui, ce sera comme un rhume. Le musulman, pour lui, ça a l'effet de quelqu'un qui est enrhumé, cette fumée-là. Donc ça, c'est le cinquième. Ensuite, les trois autres, 6, 7, 8, c'est des failles dans la terre. La terre va s'ouvrir. Une faille à l'est, une faille à l'ouest et une faille dans la péninsule arabique. C'est-à-dire que la terre va s'ouvrir et va ensevelir ce qu'il y a dessus. Et donc, ces trois failles, ces trois signes différents, ne se produiront qu'après la sortie de Ad-Dajjal et la descente de Isa al-Masih, alayhi salam. Mais ils vont se produire dans des moments qui sont proches les uns des autres. Enfin, il y a un feu qui va sortir du Yémen. Donc ça, c'est le dernier signe. C'est un feu qui va sortir du Yémen et qui va avancer lentement. Et les gens vont fuir ce feu-là et vont se diriger vers l'ouest. Pour fuir à ce feu, les gens vont se diriger vers l'ouest. Le Yémen se trouve, comme vous savez, au sud du Hijaz, au sud du pays de Hacham. Donc voilà juste pour vous donner un aperçu sur ces grands signes. Maintenant, nous allons les détailler un peu. Nous allons entrer un peu plus dans le détail de certains de ces grands signes. Donc, Ad-Dajjal ne sortira qu'après que se soient produit des choses vraiment éminentes. Il y aura des choses comme qui sont les petits signes qui vont se produire avant la sortie de Ad-Dajjal. Parmi ces petits signes, c'est que des montagnes vont être déracinées, carrément. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens ils font de la dynamite pour enlever des carrières de pierre et après c'était une montagne et elle disparaît. Non, c'est carrément des montagnes comme si elles étaient déracinées. Donc ça ne s'est pas encore produit, ça c'est un petit signe. Ad-Dajjal, il est appelé Al-Masih. Ad-Dajjal est appelé aussi Al-Masih Al-Kadhdhab. Donc Al-Masih, pourquoi Al-Masih? Parce qu'il fait beaucoup de siyaha. Al-Siyaha, c'est le déplacement. D'accord? Et il est appelé Dajjal parce que c'est un menteur, c'est un charlatan, c'est un imposteur. Ad-Dajjal, c'est un imposteur. Donc, il se déplace beaucoup sur Terre. Il va parcourir la totalité de la Terre en environ un an et demi. En un an et demi, il va parcourir toute la Terre. Donc, partout, Dieu, par sa puissance, lui permet de se déplacer partout sur Terre. Il y a deux endroits auxquels il ne pourra pas aller, la Mecque et Médine. Uniquement la Mecque et Médine ne pourra pas entrer ni à la Mecque ni à Médine. Il est confirmé que Ad-Dajjal va essayer d'entrer à Médine. Mais quand il va se diriger vers Médine, il va trouver sur chaque... tout autour de Médine, il va trouver des anges qui ont des épées, qui vont l'empêcher d'entrer. Ad-Dajjal, il est surprenant, il est étonnant dans ses déplacements. Ce n'est pas comme nous. Mais Allah lui donne cela pour que ce soit une cause pour entraîner les gens dans l'égarement. Allah a fait que ce soit une cause pour qu'il entraîne les gens dans l'égarement. Allah Ta'ala égare qui il veut parmi ses esclaves et il guide qui il veut parmi ses esclaves. Si quelqu'un est égaré, ce n'est pas malgré la volonté de Dieu. Si quelqu'un est bien guidé, ce n'est pas malgré la volonté de Dieu. Il n'y a pas une seule chose qui se produit dans ce monde sans qu'elle ne soit par la volonté de Dieu. Tout est par la volonté de Dieu. Le bien et le mal sont par la volonté de Dieu. Bien sûr, Allah, il n'ordonne pas le mal et il n'agrée pas le mal. Mais si le mal a lieu, c'est qu'il a voulu qu'il ait lieu. Il n'y a pas une chose qui se produise sans que Dieu ne l'ait voulu. Donc, Ad-Dajjal, Allah lui facilite les déplacements sur terre d'une manière étonnante. Il va aller partout et il va dire aux gens, je suis votre Dieu. Et pour les tromper, il va leur montrer des choses étonnantes. Pour qu'ils le croient, il va avoir des choses étonnantes. Les juifs vont le suivre. Les juifs vont le suivre. Les tout premiers qui vont suivre Ad-Dajjal, ce sont 70 000 juifs de Isfahan, une ville en Iran, de Asfahan. On dit Asfahan ou Asfahan. Ce sont les tout premiers à suivre Ad-Dajjal. Puis, ceux à qui Allah a prédestiné le malheur, d'autres qu'eux. Tellement donc il se déplace sur terre, il est appelé Messie, mais comme il est mécréant, il va égarer les gens, il est appelé Ad-Dajjal. Il est appelé Ad-Dajjal, le menteur. Notre maître Isa, alayhi salam, Al-Masih, fils de Maryam, lui, il se déplaçait beaucoup. Isa, Al-Masih, il se déplaçait beaucoup. Il se déplaçait beaucoup sur terre. Et lui, il se déplaçait pour terre parce qu'il était détaché du bas-monde. Il n'avait pas le cœur attaché au bas-monde. On dit en arabe Zahid. Zahid, c'est-à-dire Aset. Aset, c'est-à-dire détaché du bien du bas-monde. Donc, il se déplaçait beaucoup, il n'a pas pensé avoir une maison. Certains d'entre nous, première chose qu'ils pensent, il faut que j'aie une maison. Notre maître Aris a été tellement détaché du monde qu'il ne pensait pas à avoir une maison. Il ne pensait pas avoir un champ pour se faire de l'agriculture. Il ne pensait pas ouvrir un commerce ou bien développer un terrain. Non. Lui, alayhi salam, il se déplaçait sur terre pour l'agrément de Allah. C'était pour l'agrément de Allah qui se déplaçait sur terre. Tandis que Ad-Dajjal, il est appelé aussi Al-Masih, c'est le même surnom, Al-Masih, mais il est appelé Ad-Dajjal Al-Kadhab. C'est-à-dire Al-Masih, celui qui se déplace, mais Dajjal, charlatan, et Kadhab, menteur. Parce que lui aussi, il se déplace beaucoup sur terre. Ça, c'est quand il va apparaître pour la première fois. Quand il va être délivré de ses chaînes, parce qu'il est actuellement enchaîné. Ad-Dajjal, il est actuellement enchaîné. Donc, quand il va être délivré de ses chaînes, il va se déplacer beaucoup sur terre, il va aller partout, par la toute-puissance de Allah Ta'ala. Allah lui permet de se déplacer dans toute la terre, comme on a dit, excepté la Mecque et Médine, il ne pourra pas y entrer. Il ne pourra pas entrer à la Mecque, il ne pourra pas entrer à Médine. Et donc, dans ce déplacement, il est surprenant, il n'est pas comme nous. Ces déplacements ne sont pas comme nous. Pourquoi ? Tout cela pour qu'il soit une cause d'égarement. Allah a voulu que certains de ses esclaves soient égarés et il a fait que Ad-Dajjal soit cette cause de l'égarement de Ad-Dajjal. Allah lui facilite donc les déplacements sur terre d'une manière qui est étonnante et il va égarer les gens ici et là. Tellement il se déplace beaucoup, donc il est appelé Al-Masih. Mais comme il est mécréant, comme c'est un ennemi de Dieu, il égare les gens, il est appelé Ad-Dajjal, le charlatan, le menteur. Lorsque Ad-Dajjal va apparaître, ceux qui vont le suivre, ceux qui vont croire en lui, vont être rassasiés, ils ne vont pas avoir faim. Ceux qui vont le suivre, ceux qui vont croire en lui, ils n'auront pas faim, car Allah Ta'ala a fait que Ad-Dajjal soit une cause d'égarement. Ceux qui vont croire en lui, Allah leur facilite leur subsistance et il leur donne beaucoup de subsistance. Et les croyants, les musulmans, ceux qui vont justement le démentir, ceux qui ne vont pas le suivre, eux, ils seront affamés. Les croyants, les musulmans, ceux qui vont le démentir, ceux qui ne vont pas le suivre, ils vont être affamés. Mais Allah les aide pour surmonter la faim par les paroles de glorification. Allah les aide pour surmonter leur faim par les paroles de glorification, par le tasbih et le taqdis. Le tasbih, c'est de dire subhanallah. Le taqdis, c'est la glorification de Dieu. Toute parole qui revient à glorifier Dieu, comme Allahu Akbar. Toutes les paroles comme Alhamdulillah, etc. Donc, ceci, ce zikr, ces évocations vont leur remplacer le manque de nourriture. Là, on parle de qui ? On parle des croyants, des musulmans. Ça va remplacer la nourriture pour eux et la faim ne sera pas nuisible pour eux. Puis, lorsque Al-Masih Isa alayhi salam va descendre plus tard, c'est lui qui va tuer Ad-Dajjal, ce charlatan. C'est Isa, Jésus, qui va tuer Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, quand il va sortir, il ne va pas rester longtemps parmi les humains. Il ne va pas rester longtemps parmi les humains. Moins de 2 ans. Il va rester moins de 2 ans. Mais il va égarer beaucoup de gens. Beaucoup de gens, parce qu'il va avoir, il va avoir sur ses mains des choses extraordinaires. Mais on ne les appelle pas des miracles. Parce que le miracle, c'est lorsque ça arrive aux mains de qui ? De celui qui dit être prophète. Mais Dajjal, il ne se dit pas prophète. Donc les choses extraordinaires qu'il va avoir ne sont pas appelées des miracles. Ce sont des choses extraordinaires qu'on appelle estidraj. Pourquoi estidraj ? C'est-à-dire ce par quoi il entraîne. Les choses avec lesquelles il va entraîner les gens dans la mécréance. Allah Ta'ala a voulu que Dajjal soit une cause d'égarement de certaines créatures. Mais certaines autres vont patienter. Certaines autres vont patienter, vont rester croyantes et ne vont pas le suivre. Donc les premiers, ceux qui vont suivre Dajjal, seront perdants. Et les seconds, ceux qui ne vont pas le suivre, vont être gagnants. Les premiers seront perdants et les seconds vont être gagnants. C'est pour cela que Ad-Dajjal, c'est une cause d'égarement. Dans le hadith, le prophète nous a enseigné de dire des paroles pour être préservé de Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr. وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر يعني او الله je te demande de me préserver du châtiment de l'enfer et du supplice de la tombe. Omin fitnat il mahya wal mamat, et des dissensions de la vie et de la mort. Omin sharri fitnat il masih id dajjal. Omin sharri fitnat il masih id dajjal, et de la gravité de la dissension que va provoquer al masih id dajjal, le faux messie. D'accord? Donc, ça, ce que vous pouvez le réciter par exemple quand vous faites la prière avant de passer le salam, après avoir récité As-Salat Ibrahimiyya. D'accord ? Avant de passer le salam, vous récitez cela. C'est bien de réciter cela avant de passer le salam. Donc, le messager nous a enseigné justement de chercher à être préservé contre, la fitna de Al-Masih Ad-Dajjal. Après cela, après la mort de Al-Masih Ad-Dajjal, il y aura un grand bien-être sur terre. Il y aura un grand bien-être sur terre. Al-Mahdi, c'est son apparition fait partie des petits signes annonciateurs du jour du jugement. Donc juste pour le rappel, on a vu dans les séances précédentes, Al-Mahdi s'appelle Muhammad fils Abdullah. Il est comme notre prophète, il s'appelle Muhammad, et son père s'appelle Abdullah. Et il sera de la descendance du prophète. C'est-à-dire, il va être descendant soit de Al-Hassan, soit de Al-Hussein. Que le prophète والسلام, ses seuls descendants actuellement, ce sont ceux de sa fille Fatima, épouse de notre maître Ali, le quatrième calife. D'accord ? Et notre maître Ali, donc, qui est le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, il a épousé Fatima Zahra, il a eu trois fils. Donc deux sont restés vivants et le troisième est mort sans avoir d'enfant. Ceux qui ont des enfants, c'est Al-Hassan et Al-Hussein. Donc, jusqu'à aujourd'hui, parfois dans certains pays, on dit que c'est un, il est shérif, c'est-à-dire les descendants du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord ? Donc on sait, il y a des savants sont spécialistes des familles et savent qu'un tel, c'est fils d'un tel, fils d'un tel, avec la chaîne qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc Al-Mahdi, il sera descendant du prophète. Il va naître à son époque. Hein. Ce n'est pas comme disent certains égarés qu'il est déjà né, qu'il est né depuis des siècles, qu'il est caché dans une grotte. Non. Al-Mahdi va naître à son époque. Oui. Il va naître à son époque et il va apprendre auprès des savants de son époque. D'accord ? Et justement, lui, dès que lorsque Al-Masih Isa va descendre, il va le rencontrer. Il sera, parce que lui, à son époque, il est le gouverneur des musulmans. Il sera le calife des musulmans, Al-Mahdi. Donc, lorsqu'il va apparaître, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit qu'il sera annoncé par un ange. Il va dire aux gens, voici Al-Mahdi, suivez-le. Donc, il va sortir de Médine et il va recevoir l'engagement, le pacte d'allégeance des saints à la Mecque. Ensuite, il sera connu par tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un que seuls certains connaissent, mais tout le monde va le connaître. Hein. C'est comme le soleil qui se lève dans le ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est connu uniquement par certains. Al-Mahdi, il sera connu par tout le monde. Et donc, c'est lui qui dirigera les musulmans lorsque notre maître Isa, Jésus, va descendre. Donc, Al-Mahdi va rencontrer Isa au tout début de sa descente du ciel. Au tout début de sa descente du ciel, Al-Mahdi va rencontrer Isa alayhi salam. Et les musulmans s'étaient apprêtés à ce moment-là pour réciter, pour faire la prière. À ce moment-là, les musulmans allaient s'apprêter pour faire la prière. Mais Al-Mahdi, qu'est-ce qu'il va. Isa alayhi salam va laisser Al-Mahdi diriger la prière cette fois-là, la première fois. Bien sûr, Al-Mahdi c'est un saint, mais Isa c'est un prophète. Et le prophète, il est un degré plus élevé que le saint. Le prophète, son degré, il est plus élevé que le saint. Donc, mais Isa va indiquer à Al-Mahdi de diriger la prière pour montrer aux gens que Isa, il va appliquer la loi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Juste cette fois-là, ensuite, et pour montrer également l'honneur de la communauté de Mohammed. Et c'est donc un signe de sa part qu'il n'est descendu sur terre que pour appliquer la loi de Mohammed. Et donc à l'époque de Isa alayhi salam, après qu'il va tuer Al-Dajjal, il y aura un grand bien-être et une grande sécurité sur terre. Il y aura un grand bien-être et une grande sécurité. De sorte que même les serpents, même les loups ne vont pas s'attaquer aux gens. Même les serpents, même les loups ne vont pas s'attaquer aux gens. Et la terre va sortir ce qu'elle comporte dans ses entrailles comme richesse, l'or, de sorte que à ce moment-là, tu ne trouveras personne qui accepte l'aumône. Tellement les gens seront riches, il n'y aura personne qui accepte l'aumône. Al-A'war al-Dajjal, donc Al-Dajjal il est surnommé aussi Al-A'war. A'war, ça veut dire le borgne, parce qu'il est borgne en fait. Al-A'war al-Dajjal, c'est un être humain. Donc il est descendant de Adam, comme nous sommes descendants de Adam. C'est un être humain, ce n'est pas un autre genre de créature, c'est un être humain. Et le plus probable, c'est qu'il fasse partie des descendants de Israël. Les descendants de Israël. D'accord ? Israël, comme vous savez, c'est le prophète Yaqub. D'accord ? Donc il fait partie des descendants de Israël. Il a un de ses yeux qui sort, hein, qui dépasse, comme un grain de raisin. Et l'autre œil est comme s'il n'avait pas, comme si c'était complètement fermé. C'est pour ça qu'il est surnommé Al-A'war, le borgne. Il est actuellement enchaîné sur une île en mer. Dans une île, on ne sait pas où, mais il est enchaîné. Ce sont les anges qui l'ont enchaîné dans cette île. Depuis l'époque du messager, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à maintenant, il est emprisonné sur une île, tout seul. Cette île n'est pas une île qui est connue. Ce n'est pas une île qui est connue. Il y a un compagnon du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a vu et qui l'a rencontré. Ce compagnon s'appelle Tamim ibn Aous. Tamim ibn Aous. Il a rencontré Al-Dajjal. Comment il a rencontré? À quelle occasion? Tamim ibn Aous était monté en mer sur une embarcation, sur un navire. Mais le navire est resté un mois à la dérive. Le navire est resté un mois à la dérive. Ils ont perdu leur chemin. Ils ont échoué dans cette île, avec cette embarcation. Ils ont échoué dans cette île. Et ils ont vu Al-Dajjal qui était enchaîné avec des chaînes. Des anges, ce sont eux les anges qui l'ont enchaîné. Et c'est un homme qui est de taille imposante. Il est de grande taille. Al-Dajjal, il est de grande taille. Et il s'est adressé à eux en langue arabe. Il sait parler l'arabe. Il leur a dit, je suis un tel. Donc il s'est présenté, il a dit qu'il était Al-Dajjal. Et il leur a posé la question à propos de certaines choses. Est-ce qu'elles se sont produites? Par exemple, il leur a dit, est-ce que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète arabe, est apparu? Parce que toutes les communautés savaient que le dernier des prophètes était un prophète arabe qui s'appelle Muhammad. Parce que Dieu a révélé à tous les prophètes sont musulmans, depuis Adam jusqu'à Muhammad, tous les prophètes sont musulmans. Allah a révélé à tous les prophètes de dire aux gens de suivre Muhammad si Muhammad venait à recevoir la révélation et sa mission de prophète de leur vivant. Donc ils ont tous annoncé, c'est pour cela que l'envoi du prophète Muhammad était connu dans les communautés antérieures. Et donc lui, Al-Dajjal, il a su cela. Donc il a dit, est-ce que le prophète arabe a reçu sa mission de prophète? Et au même moment que Tamim ibn Aous était en train de parler avec Al-Dajjal, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation que ce compagnon avait rencontré Al-Dajjal. De sorte que lorsque le compagnon est revenu, le prophète était déjà au courant. Al-A'war al-Dajjal, Allah Ta'ala, par épreuve de sa part, a manifesté sur ses mains des choses extraordinaires. Ainsi, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Iza tashahada ahadukum, falyasta'if billahi min arba'in. » Donc, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie, lorsque l'un d'entre vous récite le tashahud dans la prière, qu'il demande d'être préservé de quatre choses. يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. C'est une invocation que vous avez écrite tout à l'heure. C'est le prophète qui l'a enseigné d'après Abu Huraira, qui s'est rapporté par Muslim. فتنه المحيا والممات, des dissensions de la vie et de la mort. Pourquoi de la mort? Parce que certains, au moment de mourir, ils commettent la mécréance. Certains, au moment de mourir, ils sortent de l'islam. Ils émettent une objection contre Dieu. Iblis vient à celui qui est en train d'agoniser et lui dit, si tu dis que je suis ton Dieu, je te donne à boire. Et à ce moment-là, celui qui est mort, tellement il est dans une situation difficile, il dit cette parole de mécréance et il sort de l'islam. Il sort de l'islam. Et certains ne se suicident mais ne sortent pas de l'islam. Certains se suicident mais ne sortent pas de l'islam. Donc, c'est pour cela que celui qui a appris, il sait que le moment de la mort est un moment où la personne est très vulnérable. Donc, si la personne n'a pas appris, elle est faible. Mais celui qui a appris, Inch'Allah Ta'ala le renforce pour qu'il ne faiblisse pas. Parce que le shaitan, il essaye d'entraîner le maximum de personnes avec lui dans la mécréance. Et il sait que sa dernière chance, c'est lorsque la personne est encore vivante. Et qu'à ce moment-là, la personne, elle est très vulnérable. Donc il ramène un certain, il lui dit, tu bois, il lui fait voir comme un verre d'eau, il lui dit, tu dis la mécréance et je te donne à boire. Et certains, ils tombent. Que Dieu nous préserve. Et c'est pour ça, c'est ça le sens de cette invocation. Donc à nous de persévérer sur cette invocation avant de passer le salam. Dans chaque prière, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wa al-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Parmi les choses étonnantes que le Dajjal va avoir, il va couper en deux un croyant. Il va le démentir, il va le scier en deux, il va le couper en deux moitiés. Il va le démentir devant lui et il va, soi-disant, le châtier, il va le couper en deux. Puis, il recolle les morceaux et l'homme revient à la vie. Tout cela par la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dajjal qui crée, même nous, ce ne sont pas nous qui créons nos actes, c'est Allah qui crée nos actes. D'accord ? Et Dajjal, c'est Allah qui lui crée ses actes. Mais pourquoi Allah lui accorde ça ? Pour qu'il soit une source de discorde pour les gens. Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Nous, on est avertis. Nous, on a appris. Donc, à nous de veiller à ne pas tomber dans son piège et d'avertir les gens pour qu'ils ne le suivent pas. Mais nous avons su. Et celui à qui cela est fait, donc il a été tué, puis il est revenu à la vie, il dit, je n'ai augmenté qu'en certitude que tu es menteur. Parce que c'est un croyant. Il lui dit, j'augmente en certitude que tu es un menteur, un charlatan. Lorsque Ad-Dajjal vient, il dit à l'homme, moi je suis capable de ressusciter ta mère et ton père. Il arrive, il voit quelqu'un, il lui dit, je vais ressusciter ton frère et ta mère. Il leur donne une shaitan et un shaitan, un démon mâle et un démon femelle. Et qui connaissait les parents de cet homme avant qu'il ne meure. Ils prennent l'apparence de ses parents. Et ils lui disent, mon fils, cet homme-là, c'est ton Dieu. Donc le démon qui a pris l'aspect du père de cet homme lui dit, Ad-Dajjal, c'est ton Dieu. Et la démon femelle qui a pris l'aspect de la mère de cet homme, lui dit, mon fils, c'est en Dieu. Donc là, ce sont des choses avec lesquelles il entraîne les gens à dans la mécréance. Également, il ordonne à la pluie de tomber, et elle tombe. Quand Dajjal dit au ciel de pleuvoir, la pluie tombe. Mais cette pluie-là, c'est une pluie particulière, elle n'est pas par l'ange qui est en charge de la pluie. Ce n'est pas par l'ange qui est en charge de la pluie. C'est une pluie particulière qui est une épreuve pour les gens. Une épreuve pour ceux pour qui Allah a voulu l'égarement. Il ordonne à la terre de faire pousser ses plantes et les plantes vont pousser. Il a avec lui deux fleuves. Un fleuve de feu et un fleuve d'eau. Le fleuve de feu, selon l'apparence, c'est du feu. Mais quand il va jeter des croyants dedans qui ne vont pas le croire, ce sera une fraîcheur pour eux. Et le fleuve d'eau, c'est un feu pour les croyants. Au tout début de l'apparition de Ad-Dajjal, la journée va sembler durer un an. Ensuite, la deuxième journée va sembler durer un mois. Ensuite, la troisième journée va sembler durer une semaine. 3 ans avant son apparition, il y aura un tiers de pluie en moins sur Terre. Parce que chaque année, d'une année à une autre, la quantité de pluie qui tombe, c'est la même sur Terre. Ce qui diffère, c'est la répartition. C'est-à-dire que, cette année, il tombe plus d'eau dans cette région que dans cette région-là. Mais la quantité, elle est toujours la même. Et la pluie, ce n'est pas comme le disent certains, c'est l'évaporation des eaux, des océans qui font des nuages et qui retombent. Non. C'est de l'eau que les anges amènent dessous le trône. Et après, elle devient en nuage et les anges font que, par leurs mains, cette pluie va tomber. Chaque goutte d'eau est par la main d'un ange. Donc, 3 ans avant l'apparition de Ad-Dajjal, il y aura un tiers de quantité d'eau de pluie en moins. 2 ans avant l'apparition de Ad-Dajjal, il y aura 2/3 de quantité de pluie en moins. Et 1 an avant la sortie de Ad-Dajjal, il n'y aura plus de pluie. sur une grande partie de la terre, il n'y aura pas de pluie. Sur une grande partie de la terre. Il est parvenu dans le hadith qu'avant l'apparition de Dajjal, il y aura un tiers de pluie en moins. 2 ans avant, c'est 2 tiers en moins. Et comme il y aura un tiers de pluie en moins, la terre donnera un tiers de moins de récolte. Donc il y aura un tiers de récolte en moins. 2 ans avant, il y aura 2 tiers de pluie en moins et la terre donnera 2 tiers de récolte en moins. Et 1 an avant la sortie de Dajjal, il n'y aura plus de pluie et il n'y aura plus de récolte sur terre. Cela a été rapporté par Al-Haythami et les gens qui composent sa chaîne de transmission sont dignes de confiance. Par ailleurs, cet homme, Al-A'war, Al-Dajjal, donc le borgne, Al-Dajjal, il va rencontrer le prophète de Allah. Il va rencontrer Isa alayhi salam en Palestine. Parce que Isa sera descendu entre temps. Il va le rencontrer en Palestine et le prophète de Dieu, Isa alayhi salam, va tuer Al-Dajjal aux portes d'une ville qui s'appelle Al-Lud. Elle existe cette ville actuellement en Palestine. Donc le prophète nous a dit que c'est aux portes de cette ville, c'est un village qui s'appelle Al-Lud, que Isa va tuer Al-Dajjal. Ibn Majah et Ahmad ont rapporté, et ce qui a été jugé sahih par Al-Hakim, d'après Ibn Mas'ud, le compagnon que Allah l'agré, il a dit, ce qui signifie, lorsque c'était la nuit du voyage nocturne, il a rencontré Ibrahim et Moussa et Isa, et ils ont discuté entre eux des signes annonciateurs du jour du jugement. Ils ont commencé par Ibrahim. Ibrahim, ils l'ont interrogé, et ils n'avaient pas de connaissance au sujet du jour du jugement. Puis ils ont posé la question à Moussa, alayhi salam, mais ils n'avaient pas de connaissance à propos du jour du jugement. Ils ont renvoyé à Isa. Et Isa a dit, قَدْ عُهِدَ إِلَيَّ فِي مَا دُونَ وَجْبَتِهَا فَأَمَّا وَجْبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ. Ce qui signifie, on m'a appris certaines choses concernant le jour du jugement, mais pas quand le jour du jugement va avoir lieu exactement. Car cela, seul Allah le sait. Et parmi ce que Isa a dit, il a dit la sortie de Al-Dajjal. Il a mentionné la sortie de Al-Dajjal. Et il a dit, ce que signifie, je descendrai à nouveau sur terre et je vais le tuer. Donc, Dajjal sera tué par notre maître Isa Jésus, alayhi salam. Puis, Isa a mentionné les 2 tribus d'humains, Ya'juj et Ma'juj. Et comment c'est grâce à ces invocations qu'ils vont mourir. Isa va faire un dua pour que Ya'juj et Ma'juj meurent. Et après que ils meurent, comme ils sont très très très nombreux, il a été rapporté que tous les humains autres que eux représentent 1%. Et certains ont dit 1 pour 1000. Imaginez, depuis le début de Adam, ses enfants, jusqu'au dernier des humains, autres que Ya'juj et Ma'juj représentent 1% ou 1 pour 1000. Ils vont sortir tous en même temps. Pour ça, ils vont ravager tout sur leur passage. Et personne ne pourra leur tenir tête. Personne ne pourra leur tenir tête. Et donc, après qu'ils meurent, par l'invocation de Isa alayhi salam, la terre va puer de leurs cadavres. Allah fait tomber une pluie qui va entraîner leur corps dans la mer. Allah fait tomber une pluie qui va entraîner leur corps dans la mer. Et Isa a continué, il a dit, ensuite, ce sera la fin du monde, les montagnes seront pulvérisées et la terre sera changée. Elle va être comme une peau tendue. Il a dit, quand ces signes-là vont apparaître, alors le jour du jugement va être imminent. Quand ces signes-là vont apparaître, le jour du jugement sera imminent, comme à l'image de la femme enceinte qui est à terme. Quand à l'image de la femme enceinte qui est à terme, sa famille ne sait pas quand est-ce qu'elle va les surprendre par l'accouchement. Donc le jour du jugement va être imminent. Les gens ne savent pas quand est-ce que cela va avoir lieu, de nuit ou de jour, Yann. Pour ce qui est de Ya'juj et Ma'juj, ils sont à l'origine 2 tribus d'humains, les fils de Adam, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ajuja wa ajuja min waladi Adam wa innahum la ursilu ala nasi la afsadu alayhim ma'aishahum. ولن يموت منهم احد الا ترك من ذريته الفا فصاعدا. Rapporté par At-Tayalisi, ce qui signifie Ajouj et Ma'ajouj, ce sont des humains. Et si ils étaient, quand ils vont sortir pour s'attaquer aux gens, ils vont pourrir la vie des gens. C'est-à-dire les gens ne pourront pas vivre comme ils pouvaient auparavant. Et ils sont tellement nombreux que chacun d'entre eux, avant de mourir, il laisse 1000 ou plus descendants. Regardez comment, c'est-à-dire ils ont beaucoup, ils se multiplient beaucoup. Ce sont tous des mécréants. Il n'y a pas de musulmans parmi eux. Ils ont tous allé en enfer. Ce sont des gens qui sèment le mal sur terre. Concernant l'emplacement où ils se trouvent actuellement, il est inconnu pour nous. Il est dans une des extrémités de la terre, mais nous ne connaissons pas où. Allah a fait que les humains ne les voient pas, les êtres humains ne les voient pas, eux ils ne viennent pas jusqu'à nous et nous n'allons pas jusqu'à eux. Donc ils ne pourront rejoindre le reste des humains que le jour où Allah a voulu qu'ils sortent. Mais aujourd'hui ils sont séparés du reste des humains. Ils ne sont pas en Chine, ils ne sont pas quelque part en Amérique, mais ils sont sur une région sur Terre, Allah les a dissimulés. C'est un homme qui s'appelle As-Sa'ab Zulqarnayn, alayhi salam, qui était un très très grand saint. As-Sa'ab Zulqarnayn, c'était un très grand saint. C'est lui qui les a emprisonnés et qui les a mis à l'écart des êtres humains. Par la toute-puissance de Dieu, il a construit un grand barrage. Allah lui a donné beaucoup de prodiges, cet homme, As-Sa'ab Zulqarnayn, parce que c'était un grand saint. Il a eu le pouvoir sur la totalité de la terre, à l'est et à l'ouest. Il est parvenu dans les récits d'histoire qu'il a gouverné 2000 années. C'est-à-dire qu'il est resté au pouvoir 2000 ans. C'est pour ça qu'il est appelé Zulqarnayn. Il est arabe, mais comme il a gouverné l'est et l'ouest, il est appelé Zulqarnayn. Le vent l'emmenait d'est en ouest. Et Zulqarnayn, alayhi salam, par un prodige que Allah lui a accordé, a construit un grand barrage, une sorte de grande montagne de fer. Et sur ce fer, il a fait fondre du cuivre. Donc c'est devenu encore plus robuste. Aucun humain n'arrive à transpercer ce grand barrage de manière habituelle. Allah l'a caché même aux occidentaux de notre époque. Allah a fait qu'ils ne le voient pas. Le roi vertueux Zulqarnayn, qui a parcouru l'est et l'ouest de la terre, est passé auprès d'un peuple qui était voisin à Ya'juj et Ma'juj. Comment ? Quelle est l'histoire de ce barrage ? C'est que dans ce déplacement, Zulqarnayn, il est passé près d'un peuple voisin à Ya'juj et Ma'juj. Et ils se sont plaints à eux, parce que Ya'juj et Ma'juj sèment le mal sur terre. Ils lui ont dit : est-ce que tu peux nous protéger d'eux ? قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. C'est dans Sourate Al-Kahf, le verset 94. Donc, les gens voisins de Ya'juj et Ma'juj ont demandé à Zulqarnayn de faire en sorte qu'il y ait une séparation entre eux, un barrage, de sorte que Ya'juj et Ma'juj ne les attaquent plus. Quand ils ont vu que Allah lui accordait beaucoup de prodiges, ils lui ont demandé cela. Donc, quand ils ont vu que tout ce qui est difficile pour les humains, comme activité de construction, pour Zulqarnayn, c'était chose facile, parce qu'il faisait cela par prodige. Ils lui ont demandé de faire une séparation entre eux et Ya'juj et Ma'juj. Par la toute-puissance de Allah, il a construit un grand barrage et il les a séparés. Jusqu'à maintenant, ce barrage existe. Donc, Ya'juj et Ma'juj, ils sont derrière le barrage. Le temps que Allah a voulu qu'ils restent, ils mangent, ils boivent, ils se reproduisent entre eux. Aucun d'entre eux ne meurt avant d'avoir vu 1000 ou plus de ses descendants. Et chaque jour, ils essaient de creuser ce barrage, de le perforer. hein, de traversée. Et lorsqu'ils arrivent à la fin de la journée, ils disent, nous allons continuer demain. Quand ils reviennent demain, ils trouvent que ça a été à nouveau obstrué. Ça s'est refermé comme c'était avant leur activité de la veille. Donc chaque jour, ils essayent de transpercer cette montagne, mais ils n'en sont pas capables. Et chaque jour, avec un long travail, un grand effort, ils disent, demain, nous allons poursuivre. Ils reviennent hein, le lendemain, et ils vont trouver que ce qu'ils avaient ouvert du barrage, c'était à nouveau refermé. Jusqu'au jour où ils vont dire, demain, nous continuerons, si Dieu le veut, Inch'Allah. Allah leur a inspiré de dire cela, pourtant, ils ne sont pas musulmans. Mais Allah leur inspire de dire, la veille de leur sortie, demain nous allons continuer, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc ils vont revenir le lendemain, ils vont trouver que ce qu'ils avaient amorcé était à nouveau dans son état. Et ils vont continuer à creuser jusqu'à pouvoir sortir. D'après Abu Huraira, que Allah l'a gré, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit yahfurunahu kulla yawm hatta idha kadu yakhriqunahu qala alladhi alayhim irji'u fastakhriqunahu ghadan qala fayu'iduhu Allah azza wa jalla ka ashaddi ma kana hatta idha balaghu muddatahum wa arada Allah ta'ala an yab'athahum 'ala an-nas qala alladhi alayhim irji'u fastakhriqunahu ghadan insha'Allah. واستثنى يعني قال إن شاء الله فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس apporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah, ce qui signifie ils vont retrouver le barrage refermé tous les jours, de sorte que lorsqu'ils veulent passer à travers, celui qui est avec eux, enfin celui qui est en charge d'eux, leur dit retournez et vous allez le creuser demain. Et Allah Azza wa Jal fait que ils reviennent hein, et vont le retrouver à nouveau refermé. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala veuille qu'ils sortent, leur chef va leur dire demain vous reviendrez pour le traverser si Dieu le veut. Ils vont revenir, ils vont retrouver ce qu'ils avaient amorcé la veille intact et ils vont pouvoir traverser et sortir. Donc je vous propose de prendre 5 minutes de pause. Inch'Allah, on continuera. Est-ce que vous avez des questions ?